soir, nous abordons un sujet qui touche un peu le phénomène de la destinée. Le sujet, c'est est-ce que la vie est inévitable? La vie dans le sens de l'expérience que les gens peuvent avoir à subir ou supporter au cours de leur existence. Nous recevons pour nous parler de ce sujet de Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Le sujet ce soir, c'est est-ce que la vie est inévitable dans le sens de l'expérience de vie, de ce que les gens ont ni plus ni moins supporté ou subir au cours d'une vie. On pourrait poser la question pour amorcer, est-ce qu'il est possible pour un individu d'accéder rapidement à une vie là, sans survie, sans problème d'existence, sans tension psychique ou psychologique? Par le seul fait exemple d'une éducation ou d'une formation en jeune âge, est-ce qu'il est possible d'éviter toutes les charges de l'existence qu'un être humain aujourd'hui a à subir, ou si c'est inévitable? Quand l'homme s'incarne sur le plan matériel, elle s'incarne avec un bagage, elle s'incarne avec une mémoire. Puis, elle manque d'intelligence dans l'incarnation. L'homme n'a pas d'intelligence dans l'incarnation. Il y a un intellect qui fonctionne plus ou moins bien, mais l'intellect, c'est pas l'intelligence. L'intellect, c'est une faculté qui utilise le mémoriel, le retravail, pour créer une progression dans le domaine où l'homme s'exerce, où l'âme exerce sa mission sur le plan matériel. Donc, le problème de l'homme sur le plan matériel lors de l'incarnation, le problème de l'incarnation, c'est que l'être ne vient pas au monde et ne grandit pas dans un environnement humain intelligent. Et à cause de ceci, il est constamment imprégné de toutes sortes d'influences, certaines bénéfiques, d'autres moins. Et ça caractérise sa façon de penser intellectuellement. Et ça détermine sa faculté de traiter avec les événements de la vie par rapport à son émotivité d'une façon intelligente, plus moins intelligente. Et si l'homme n'est pas capable de se sortir de la survie psychologique, je parle pas de la survie matérielle, si l'homme n'est pas capable de se sortir de la survie psychologique qui est nécessaire avant de se sortir de la survie matérielle, c'est parce que l'homme ne connaît pas les lois de la vie. Et il ne les connaît pas parce qu'il n'est pas dans son intelligence. Et être dans son intelligence, c'est un processus évolutif, ce n'est pas un processus involutif. Ça fait partie de l'évolution de la race humaine vers l'avenir et non de l'expérience de la race humaine dans le passé jusqu'à nos jours. Mm-hmm. Donc, l'être humain qui s'incarne, est trop émotif par rapport à la valeur de son intellect, ou aux valeurs intellectuelles, qui lui sont imposées par influence, pour pouvoir par lui-même se sortir de ces influences-là, parce que pour se sortir des influences, il faut avoir de l'identité. Et pour avoir de l'identité, il faut brûler de l'âme. Et pour brûler de l'âme, il faut se reconstituer complètement en tant qu'être humain, c'est-à-dire se séparer psychiquement de la conscience sociale et en même temps pouvoir être en équilibre à l'intérieur de la conscience sociale. Autrement dit, pour que l'homme ne souffre pas de la survie psychologique, donc conséquemment de la survie matérielle, autrement dit, pour que l'homme soit libre créativement, il faut qu'il se libère des influences de la conscience collective, de la mémoire de la race, et en même temps, puisqu'il est encore matériel, s'harmonise ou sache s'harmoniser avec les contraintes de la civilisation. Et ça, c'est un tour de force parce que l'homme a cultivé l'émotion dans sa pensée. Donc, l'homme a cultivé pendant des siècles différents niveaux d'émotivité qui coïncident avec différents niveaux de pensée. Que l'on regarde la pensée sur le plan matériel, que l'on regarde la pensée sur le plan psychologique, la responsabilité, les vertus, que l'on regarde la pensée sur le plan spirituel, philosophique, métaphysique ou occulte. La pensée, elle est toujours colorée par l'émotivité humaine. Et ça, ça fait partie du manque d'identité. Souvent, les gens disent, mais oui, mais comment est-ce que l'homme peut vivre sans émotion? Parce que souvent, je parle de vivre une vie sans émotivité. Mm-hmm. Vivre une vie sans émotivité, ça ne veut pas dire rejeter l'émotion ou mettre de côté l'émotion. Ça veut dire ne pas être assujetti au pouvoir de l'émotion sur la pensée. Ce n'est pas l'émotion en soi qui est mauvaise. Une émotion, c'est une énergie astrale qui permet à l'homme de soutirer de l'expérience de grandes valeurs rythmiques qui sont liés à la composition organique de sa vie par rapport à l'expérience ou aux différents niveaux d'expérience qui coïncident avec sa mission sur le plan matériel. Donc l'émotion en soi, elle est valable, mais où l'émotion n'est plus valable, c'est quand elle est assujettie, qu'elle est assujettie à la pensée, ou elle assujettit la pensée et la conditionne au profit du statu quo entre sa personnalité et la civilisation. Ça, ça lui enlève son identité, c'est-à-dire, ça lui enlève le pouvoir du regard de lui-même, sur lui-même, pour lui-même, en harmonie avec la civilisation. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait parler que plus on est dépendant de la collectivité ou de la société, plus notre niveau de survie psychologique est élevé? Plus on est dépendant de la conscience sociale, ou de ses forces agissantes, de sa puissance, d'influence, moins on a accès à notre identité. On regarde simplement un cas, là. On regarde le cas de la musique chez les jeunes aujourd'hui. Même chez les plus âgés, mais regardons le cas chez les jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont plus capables de vivre sans cet attachement émotif à la musique qui vient plutôt des États-Unis, qui surplombe l'évolution de la civilisation ou l'involution de la civilisation et qui leur enlève de l'identité, qui masque leur identité et qui les rend totalement dépendants d'une recherche totalement astrale d'une identité fautive. Comment voulez-vous que les jeunes puissent entrer dans leur identité s'ils ne sont pas au niveau de l'instruction parentale, l'éducation parentale, je ne parle pas des écoles ou du système, ça commence à la maison. Si les jeunes ne sont pas capables de se libérer de ce besoin profond de vivre ou d'écouter ou d'entendre de la musique. Là, les gens vont dire, ben oui, mais si ça se passe comme ça dans le monde, on ne veut pas être isolé de nos milieux sociaux, on ne veut pas être isolé de notre milieu social à l'école, on ne veut pas être isolé de nos amis. Il ne s'agit pas d'être isolé de nos amis, il s'agit de pouvoir traiter avec une vibration ou une énergie, la musique, mais d'une façon intelligente. Ça n'empêche pas, moi, d'aller dans un club ou dans un endroit qui est musical, puis de m'amuser pendant 10 minutes, mais de là à vivre ce rapport avec la musique de façon incessante pendant des mois et des années, ça, d'abord, ça ouvre les centres psychiques de l'individu, ça atrophie sa conscience, et ça l'empêche de mettre le doigt sur le besoin de pouvoir vivre seul. Vous ajoutez à ça les messages qui sont dans la musique, les idées qui sont dans la musique, l'idéologie musicale aujourd'hui, qu'on retrouve par exemple fortement transcrit dans le rap music américain. Je vais vous dire une chose, je veux pas, même c'est un risque de le dire en public, ça, ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire d'une façon assez délicate pour que vous puissiez comprendre jusqu'où ça peut aller. C'est un risque. Si j'étais aux États-Unis et que je disais ça, probablement que j'aurais des problèmes, surtout si je le faisais au niveau public. Mais si on considère qu'aujourd'hui, le pouvoir musical est dans les mains de la race noire, et que la musique qui est très astrale est très effective et très affective chez la race blanche. Je peux vous dire que au niveau des plans astraux, la musique, cette musique qui est très astrale, est utilisée par les entités astrales à travers des individus réceptifs, donc la race noire, pour la destruction de la race blanche. Ça va loin. Oui, ça va effectivement très loin. Oui, bon. Autrement dit, si vous prenez une race noire qui a été extrêmement affectée sur le plan de l'expérience par la race blanche, les Noirs ont beaucoup souffert de la race blanche. Ces êtres-là, quand ils meurent et qu'ils vont en astral, ils se recoupent avec des êtres qui sont de leur expérience, donc la race noire sur le plan matériel, et ils recanalisent leurs énergies de haine contre la race blanche à travers l'instrument musical. Ça va très loin. Si on regardait l'évolution, la condition de l'évolution, les lois occultes de l'évolution de la race humaine aujourd'hui à partir d'un plan occulte, là je vous en montre un peu là, de ce que je veux dire, ce serait absolument impossible pour l'homme de révéler les lois de l'involution et de l'évolution à l'humanité sans s'assujettir à une très grande rétribution sociale. Pourquoi? Parce que quand on parle d'identité ou qu'on parle d'intelligence, ultimement, on parle de contact avec les plans invisibles. L'homme aujourd'hui est inconscient de ça, mais avec l'évolution, l'homme deviendra conscient de ça. Et à ce moment-là, l'intelligence humaine ne pourra plus être fondée sur des paramètres d'ordre psycho-intellectuel. Et à ce moment-là, l'identité humaine sera totalement, sera très très solide, et l'homme aura une intelligence de la vie, il pourra comprendre la vie, mais pour ça, ça va demander que l'homme dépasse le pouvoir de ses émotions sur le mental. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est extrêmement libérale. Nous avons tendance à libéraliser tout, et ça fait partie du mouvement du pendule. Nous avons passé d'une société très autocratique à une société libérale. Mais il va venir un point où nous allons devoir revenir à un juste milieu. Mais ça peut durer longtemps, ce mouvement pendulaire-là. Et l'individu, lui, qui est pris dans un mouvement historique qui peut durer une, deux, trois générations, s'il n'est pas suffisamment sensible à lui-même et qu'il se laisse embarquer par ses vibrations, éventuellement, il perd son identité. Et il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, tous les gens, à un niveau quelconque de leurs expériences, vivent une certaine expérience d'identité dans leur vie. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, « Ah, ben, c'est drôle, moi, du ski, ça me dit rien, puis tout le monde fait du ski dans le monde. Comment ça se fait que moi, je fais pas de ski, puis tout le monde fait du ski? Moi, telle chose, ça me dit rien. Puis comment ça se fait que tout le monde fait ça, puis moi, ça me dit rien? » Et pendant que l'homme est inconscient, il vit très, très durement cette isolation psychologique d'une convention sociale. Ça, c'est un indice de son identité, mais souvent, il n'est pas capable de supporter cet indice-là, et souvent, il vit pendant des années une sorte de souffrance, une sorte d'aliénation psychologique par rapport à lui-même, et c'est seulement quand il arrive après à 35, 40, 45 ans que là, ça se tasse, puis il en souffre moins parce que il a remplacé ce problème d'identité-là avec une sorte de croissance au niveau du travail. Il s'est créé quelque chose. Mais c'est quand on est jeune que ça devient important de pouvoir respecter notre identité et ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit, parce qu'on est obligé d'utiliser des termes qui sont conventionnels, ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit ou le rapport occulte entre l'homme sur le plan mental et l'homme sur un plan cosmique, l'esprit ne peut pas intervenir de façon catégorique dans l'évolution de l'homme, parce que l'âme, c'est une force, c'est une énergie qui doit graduellement évoluer. Et si l'esprit ou cette force intervenait trop directement dans l'évolution de l'homme, l'homme vivrait ce que j'appelle une fusion et il perdrait instantanément sa personnalité pour devenir instantanément une personne, mais à ce moment-là, sa vie serait totalement altérée. Donc, ce n'est pas Ce n'est pas le mouvement pour l'humanité. Le mouvement pour l'humanité, le changement pour l'humanité, la transmutation de l'être au niveau de l'humanité, c'est de pouvoir, en tant qu'individu, respecter les paramètres psychiques qui souvent mettent en question nos valeurs psychologiques. Et ça, ça demande une sorte de contrôle sur notre émotivité qui a été socialisée pendant des siècles. C'est évident que le pouvoir spirituel ou le pouvoir temporel ou le pouvoir occulte ou n'importe quel pouvoir sur la Terre ne cherche pas et ne veut pas, il n'est pas dirigé vers le développement d'identité de l'homme parce que aussitôt que vous parlez de pouvoir, vous parlez de contraintes, vous parlez de domination, vous parlez de soumission, vous parlez d'un certain ordre sociétal. Par contre, si vous parlez de l'évolution humaine, de l'individu, de l'individualisation de l'être, vous devez regarder le plan de l'intelligence, autrement dit ce plan où votre identité se fait sentir temps à autre dans votre vie de façon psychique. Et ça, il n'y a pas de convention là-dedans, il n'y a pas d'ordre, c'est pas nécessairement logique de dire, bon, mais moi, ça m'intéresse pas d'aller à la mer me baigner. Une personne va dire, bon, moi à la mer, j'aime ça aller jusqu'aux genoux, là, puis je suis content. Là, vous allez avoir vos amis qui vont dire, ah ben, wow, mais tu devrais aller plus loin. Tu devrais aller jusque là-bas. Mm-hmm. Mais l'individu, lui, souvent, il va aller jusque là-bas. Puis rendu jusque là-bas, mais il va se produire quelque chose qu'il ne pourra pas traiter avec. Donc, il y a des paramètres qui sont installés dans la conscience individuelle que l'homme ne respecte pas parce que l'éducation sociale, la force de la civilisation et la force des civilisations n'a jamais traité l'homme en tant qu'individu. Ces forces-là ont toujours traité l'homme en tant qu'unité faisant partie d'un esprit global, d'un esprit collectif. Et même les sociologues, quand ils parlent de l'homme, ils appellent l'homme économique, l'homme social. Exact. Et ça, ce sont des termes, ce sont des concepts qui sont très dangereux parce que ce sont des concepts qui aliènent l'individu de lui-même et qui forcent l'homme à partager son identité qu'il n'a presque pas avec un égrégore social qui est très puissant, puis éventuellement l'homme perd son identité. Donc, vous replongez ou vous resituez l'homme dans un contexte social comme au 20e siècle, avec la surinformation, la surdiffusion, la surprésence des médias électroniques, la musique, ainsi de suite, la télévision, les idées, tout ça, ben, éventuellement l'individu ne sent plus qui est. Et qu'est-ce que ça veut dire être? Ça veut dire ne pas être comme les autres. Mais 6 milliards d'individus. On ne peut pas, laissez-moi finir ça. Les philosophes, Sartre et tous les philosophes du 20e siècle, 19e siècle, ont voulu définir qu'est-ce que c'est être. Ils ont écrit des livres sur être. Être, ça veut dire pas être comme les autres. Quand tu n'es pas comme les autres, tu es automatiquement. Fait que c'est simple, être. C'est simple. Par contre, c'est très difficile de le devenir parce que il y a une grande proportion de notre être-té ou de notre non-être-té qui est calquée sur la non-être-té des autres. Et on a été impuissant. Là, on commence à être un peu plus puissant dans cette direction-là, parce qu'on a déjà un peu plus de science, mais on a été très, très impuissant à pouvoir supporter cette solitude-là de ne pas être comme les autres. Et je fais une parenthèse, quand je dis ne pas être comme les autres, ça ne veut pas dire revenir à un état tribal des hippies des années 60, qui était une autre illusion. Ils n'étaient pas comme nous autres, ils étaient comme eux autres entre eux autres. Donc, l'illusion, au bout de 20 ans, mais ça l'a sauté, évidemment. Donc, être, ça veut dire ne pas être comme les autres, et ne pas être comme les autres, ça ne veut pas dire ne pas respecter les autres, ne pas respecter ce que les autres font. Ça veut dire se respecter soi-même et traiter avec ce que les autres font, traiter avec ce que les autres construisent, traiter avec ce que la civilisation met sur pied d'une façon intelligente, c'est-à-dire que si c'est utile, tu l'utilises, si c'est pas utile, tu le mets de côté, mais tu dois respecter les gens qui continuent à l'utiliser. Maintenant, quand vous parlez d'être et d'être différent des autres, pour une structure gouvernementale comme on la connaît, ça serait vécu comme l'anarchie totale? Non, non, non. Moi, en tant que personne, je vis pas comme les autres. Je vis comme moi-même, mais je ne suis pas un type qui est anarchique. Un type être anarchique, c'est ne pas respecter les lois sociales. Ça, c'est de l'anarchie. Mais un gouvernement, quand il bâtit un système de loi, il le bâtit en tenant compte que les gens sont un peu pareils. Quand un gouvernement bâtit un système de loi, il bâtit un système de loi afin de protéger le statu quo d'une conscience sociale qui est plus ou moins utile, qui est plus ou moins valable ou qui est historiquement progressive. Donc, à ce moment-là, les lois, heureusement qu'on a les lois, parce que les lois sont le niveau le plus intelligent de la conscience humaine. Éliminons les lois qui ne sont pas nécessaires, mais il y a des lois qui sont très intelligentes, il y a des êtres qui, ensemble, travaillent à structurer des composantes sociales pour la protection de l'individu, comme la protection de la société. Dans nos sociétés modernes occidentales, on a des lois qui protègent la société, mais qui protègent aussi l'individu. Donc, ces lois-là sont des lois qui sont saines, sont des lois qui sont inévitablement nécessaire. Donc, un être qui est conscient ne va pas aller contre les lois sociales. Par contre, un être qui est inconscient et qui vit une fausse identité va chercher à transmuter ou à changer ces lois sociales-là d'une façon trop rapide. On parle souvent, par exemple, là on parle moins, mais on a parlé pendant des générations de révolution sur la Terre. Vous ne pouvez pas, sur une planète ou à l'intérieur d'un pays, créer de révolution. Parce qu'une révolution, ça brise l'ordre établi et ça ne le remplace pas par un autre. Que les peuples, que les nations, que les sociétés évoluent à un rythme qui leur convient, les Japonais l'ont fait, les Anglais l'ont fait, que l'homme évolue par rapport à un rythme qui lui convient, et l'homme va être capable d'ajuster et de transmuter les formes sociales de sa conscience sociale pour en arriver à progresser plus rapidement. Mais une révolution, ça détruit tout. Regardez ce qui s'est produit en Russie. Donc, l'homme doit évoluer. Donc, sur le plan social, l'homme doit évoluer, et sur le plan individuel, l'homme doit évoluer. Et un homme qui évolue sur le plan individuel n'est pas anarchique. Au contraire, parce qu'un homme qui est conscient, qui est sensible, ainsi de suite, à l'ordre, autant à l'ordre du destin social qu'à l'ordre de sa propre destinée, il veut vivre dans un état qui est plus ou moins harmonisé pour qu'il puisse lui-même continuer à composer avec sa réalité et en même temps demeurer imprégné ou imbriqué dans une société qui est plus ou moins utile, qui est plus ou moins intelligente, comme la province de Québec, le Canada. Ce sont des entités sociales qui sont réellement des entités très évoluées sur le plan global de l'évolution sociale planétaire. Le Québec, c'est un des meilleurs pays au monde. Le Canada, c'est un des grands pays au monde. Donc, à ce moment-là, un homme qui est conscient n'a rien à voir avec des aspects anarchiques par rapport à l'entité sociale. Par contre, si un homme était conscient, il vivait dans un pays extrêmement dénué de liberté relative sociale, il serait suffisamment intelligent pour sortir de cet environnement-là. Mais il ne vivrait pas l'anarchie. Un être conscient ne peut pas être anarchique d'ailleurs, parce que l'anarchie, c'est une réponse émotive à la souffrance de l'âme par rapport à des conditions sociales dont les lois globales, cosmiques, ne sont pas comprises. Tandis qu'un être conscient connaît, comprend les lois les lois planétaires, les lois de l'expérience de masse humaine. Donc, lui, en tant qu'individu, il n'est pas intéressé à vivre anarchiquement sa vie. Il va vivre sa vie évolutivement. Et si, dans un milieu où il est, il ne peut pas vivre cette vie-là, il va changer d'endroit, il va changer d'espace matériel, physique. Je vous dis ça, c'est parce que les gens, en général, quand ils défendent un droit d'être, on le retrouve à travers aujourd'hui les races, on regarde les Yougoslaves, on regarde les Autochtones ici, on regarde tous les gens qui ont eu à manifester une certaine différence. Ils ont toujours à débattre avec, à emprunter une idéologie quelconque pour pouvoir exprimer un droit d'existence. Les gens débattent des conventions sociales, les gens débattent les valeurs de la mémoire de la race en tant qu'individu sans identité. Donc, si vous prenez un Indien, ou si vous prenez un Croate, ou si vous prenez un Évrier, qui n'a pas d'identité, la seule identité qu'il peut se donner, c'est une identité dont le portefeuille est social. Et ce portefeuille social fait partie de l'expérience de l'âme, il ne fait pas partie de la puissance créatrice de l'esprit individualisé. C'est pour ça que ces individus-là ou ces gens-là souffrent énormément, et je respecte leur souffrance, mais je ne peux pas voir leur souffrance comme étant, sur le plan individuel, nécessaire. Sur le plan social, sur le plan de leur convention, ça fait partie du millimélo astral de leur karma. Mais sur le plan individuel, ça n'existe pas. Un être, si moi j'étais indien, et que si moi j'étais conscient que j'étais indien, et que l'environnement humain indien n'était pas suffisant, ne pouvait pas m'apporter l'équilibre psychique dont j'ai besoin en tant qu'individu, à ce moment-là, je me retirerais. Si j'étais noir, si j'étais croate, si j'étais quoi que ce soit, si je faisais partie d'une minorité qui devait revendiquer des droits d'ordre sociétal pour se créer une illusion fictive d'identité illusoire, je me retirerais parce que, en tant qu'individu conscient, je ne serais pas intéressé à vivre l'anarchie, parce que l'anarchie, ça fait partie de la réponse astrale de l'âme à une condition évolutive, karmique, planétaire. C'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'évolution, et c'est à ce point-là que se sépare l'évolution de l'évolution. C'est à ce point-là que se sépare l'homme individualisé qui s'en va vers sa réalité, et l'homme qui est cosmiquement, planétairement, astralement programmé, et qui subit l'ignorance de sa conscience en fonction de valeurs qui lui sont imposées par des paramètres d'ordre émotif qu'il est allé chercher au niveau du développement de sa mémoire dans la conscience de la race, ou qu'il a lui-même cultivé pour des raisons d'infériorité psychologique ou psychique, c'est-à-dire pour des raisons de manque d'identité personnelle. Vous voulez dire que les gens qui se donnaient une personnalité collective, c'était pour combler un manque personnel. C'est pour combler une absence d'identité. L'être humain n'a aucune idée de ce que c'est de l'identité. Un être qui a de l'identité n'a plus besoin de rien d'autre parce que ses centres d'énergie sont balancés. Sa créativité est immuable. Sa créativité n'a plus de fin. Sa conscience est totalement présente, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre instantanément les différents aspects de l'expérience humaine. Donc, automatiquement, il ne vit plus d'expérience. Et ce qui définit l'être humain sur la Terre, c'est que c'est un être qui vit d'expérience. L'homme ne peut pas vivre d'expérience forever. Il faut que ça arrête un jour de vivre l'expérience, puis vivre l'expérience, puis vivre l'expérience, puis vivre l'expérience. Mais tout le monde vit d'expérience, fait qu'on dit, si tout le monde vit d'expérience, moi, il faut bien que je vive d'expérience. Donc, c'est très grave, ultimement, pour l'être humain, de toujours vivre d'expérience. Et la raison qu'il vit d'expérience, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité. C'est le fou crématoire de l'émotion. Vous n'avez pas besoin d'être juif pour ça. L'expérience, c'est le fou crématoire de l'émotion, et tout le monde se fait fourrer. Tout le monde, constamment. Puis c'est pas parce que vous avez un doctorat à l'Université de Montréal que vous êtes safe. Tout le monde. Fait qu'éventuellement, l'homme, plus il avance, plus il entre dans son identité, plus il reconnaît, ou plus il reconnaîtra, parce que tu es obligé de parler au futur, l'importance de ne pas être comme les autres, donc de supporter son individualité, ce qui implique supporter sa solitude temporaire, jusqu'à temps qu'il rencontre un autre comme lui, puis un autre comme lui, qu'il y a un autre comme lui. Mais à ce moment-là, l'homme va devoir souffrir l'expérience, parce que l'expérience, c'est la seule mesure de son développement. Alors que l'homme conscient, la mesure de son développement, ce n'est pas l'expérience, c'est sa capacité de ne pas la vivre. Vous voyez la différence? Je peux-tu poser une question là-dessus? Bon, vous dites, la personne qui n'est pas comme les autres, si elle en rencontre une personne comme elle... Non, vous ne rencontrez jamais quelqu'un comme vous-même, mais vous rencontrez des gens qui comprennent le phénomène d'être comme soi-même. Donc, quand on est comme soi-même, on ne peut pas être comme les autres, mais on peut comprendre, ou d'autres peuvent nous comprendre, que quand un être vit très près de lui-même et qu'il refuse de constamment s'apprivoiser aux influences de sa civilisation ou de sa race, des influences qui sont négatives et qui lui enlèvent de l'autonomie, cet être-là éventuellement découvre que d'autres personnes sont sur sa longueur d'onde. C'est évident que vous ne pouvez pas être comme... Il n'y a pas deux êtres pareils. Vous ne serez jamais comme moi, puis moi je ne serai jamais comme vous. Par contre, il y a des plans de conscience mentale où on peut facilement se comprendre parce que déjà, on vit un certain niveau d'identité. Bon, c'est comme ça que ce phénomène d'identité intelligent se répandra sur le plan matériel et ça n'aura rien à voir avec l'évolution de la conscience sociale. C'est totalement au niveau de l'évolution de la conscience individualisée. Bon, alors, les gens, quand ils sont inconscients, ils donnent une valeur à quelque chose et se donnent une raison de vivre sur ces valeurs-là. Un individu qui a de l'identité, qui est coupé d'une... Ben, pas coupé, mais disons qui est capable de prendre distance avec l'expérience, est-ce qu'il donne une valeur à quelque chose? Est-ce qu'il vit sa vie pour une raison? Il vit sa vie, point final. Il y a sans raison. Quand tu vis, tu n'as pas besoin de raison. Vive. Quand tu fais pipi, quand tu fais caca, quand tu manges un steak, quand tu fais l'amour, quand tu fais un voyage, tu n'as pas besoin de raison. Dans le phénomène de vivre, il y a un équilibre d'énergie sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, donc l'être est bien. Si vous cherchez toujours des raisons pour vivre, mais vous allez vous chercher toujours des raisons pour survivre. OK. Est-ce que ce moment-là, c'est le sens ou les valeurs que les gens donnent à une vie qui fait leur expérience? Oui, parce que les valeurs que les gens donnent à leur vie, ce sont des valeurs qu'ils sont allés chercher dans la réserve des valeurs sociales. Ils sont allés chercher ces valeurs. L'homme ne crée pas. L'homme ne se crée pas des valeurs tout seul. Quand un être humain a des valeurs ou a une valeur, que ce soit une valeur spirituelle, ésotérique, matérielle, matérialiste, politique, il est allé chercher cette valeur-là dans une grande réserve de valeurs, puis il a dit, bon, mais cette valeur-là, elle me va. Mais l'homme, tandis que l'homme conscient ne va pas aller chercher des valeurs dans la réserve des valeurs, il va se créer un mode de vie qui lui convient à lui, et il va prendre dans ce que la société crée les choses qui lui sont utiles. Qui lui sont utiles. Tandis que l'homme, quand il va chercher les valeurs dans la grande réserve des valeurs sociales, il ne va pas nécessairement chercher quelque chose d'utile. Un homme qui est médecin et qui dit à son fils, « Bon, ben moi je suis médecin, toi tu vas être médecin. Ou moi je vais te faire un livre, toi tu vas être ferronnier. » C'est pas nécessairement, le jeune, il peut aller dans la réserve du père, puis bon, mon père, il m'a monté une business, je vais avoir une ferronnerie, puis je vais continuer dans les pas de mon père. Mais c'est pas évident que ce soit la chose la plus utile pour lui. Ce n'est pas évident que devenir médecin, ce soit la chose la plus utile pour lui. Mais il est entouré de médecins dans la famille, ça parle de gynécologie, puis d'arrachage de bras en fin de semaine quand ils font des parties. Fait que qu'est-ce que tu veux que le petit fasse? Ben, il rentre dans le portrait. Donc, l'être humain ne peut pas indéfiniment aller chercher ses valeurs dans la grande réserve de valeurs de l'expérience de l'humanité. Faut qu'il réponde consciemment à ses besoins. Vous parlez de valeurs, l'homme inconscient vit de valeurs, l'homme conscient vivra de besoins. Si vous voulez établir la différence réelle, c'est que dans une valeur, il y a une émotion qui, conjointement avec le partnership intellectuel que vous développez au cours des années, que vous appelez votre culture, devient pour vous autres les éléments totaux qui coïncident avec votre personnalité, tandis que sur le plan de la conscience réelle, l'homme découvrira ses besoins, et ses besoins seront instantanément révélés à sa conscience, ça fera partie de sa conscience. Un petit gars qui dit, moi là, il faudrait que j'aille faire un voyage en Europe, j'irai en Europe, comment j'irai en bicycle? J'ai besoin d'aller en Europe. Il va pas parler de la valeur d'aller en Europe, il va dire, ça me pique dans le têteux, faut que j'aille en Europe. J'ai besoin d'aller en Europe. J'en mange. Ça, c'est le besoin. Ouais. Il va arriver en Europe, comme un mec qui n'aura pas une scène en Europe, il va fonctionner. il va se trouver un petit job, il va se rencontrer quelqu'un qui va l'aider à rester là. Mais un gars qui s'en va en Europe pour des valeurs parce que ça, c'est in d'aller en Europe, qui va aller en Europe, qui va arriver là pour une scène, là, il va avoir des problèmes. Tandis que l'autre petit gars, il va rester là en Europe pendant un an, il va le faire. Fait que ça, c'est le pouvoir de l'esprit, ça fait partie de sa conscience de qui fasse ce mouvement-là. C'est un besoin. Donc, c'est plus une valeur. Et aujourd'hui, on vit au niveau des valeurs. Est-ce que vous aviez... D'ailleurs, l'humanité a toujours vécu au niveau des valeurs. D'ailleurs, c'est les valeurs, c'est de valeur. Est-ce que vous aviez jusqu'à dire que les gens qui vivent selon leurs besoins, leur vie est facile? Facile dans le sens qu'elle n'est pas compliquée. Dans la mesure où, quand je parle de besoins, là, je sais ce que je veux dire, besoin. Dans la mesure où l'être conscient vit au niveau de ses besoins, s'habitue à reconnaître ses besoins et applique toute sa volonté, ça va loin les besoins, applique toute sa volonté à toujours vivre au niveau de ses besoins, à ce moment-là, automatiquement, il en arrive éventuellement à se créer une vie, un mode de vie qui lui convient parfaitement. Parfaitement. Mais il faut s'entendre, un besoin, Benoît, est-ce que c'est vivre avec l'essentiel dans la vie, là, juste le capital? Non, un besoin, ça n'a rien à faire avec l'essentiel. C'est une valeur, ça. Vous allez mettre encore une valeur dans mon besoin. Vous avez des maudites habitudes qui font partie de votre mémoire. Un besoin, c'est un besoin. Il n'y a pas de valeur d'un besoin, c'est un besoin. Un besoin, c'est psychique, psychologique, organique, vital, c'est un besoin. Un besoin, c'est la... C'est la correspondance de votre esprit en alliance, harmonisée avec vos corps subtils, même jusqu'à votre corps physique. C'est ça un besoin. C'est ça un besoin. Il n'y a pas de valeur d'un besoin. Bon, dans un besoin, là, ce que vous dites, il n'y a pas de limite dans l'impression qu'elle peut vouloir s'accaparer ou projeter. Quand un individu a un besoin, exemple, d'une maison, il n'y a pas nécessairement besoin de quatre murs et un toit simplement. Là. Il peut avoir des besoins encore plus... il peut avoir besoin d'une maison de 500 000. Si on met une valeur. Ça dépend de l'individu. Ça... Là, vous tombez dans les valeurs. Non, mais j'essaie de voir un individu qui vit des besoins, à quel niveau il peut... savoir qu'il vit vraiment un besoin ou si c'est pas simplement un rêve ou une valeur de vie. Ah, ben ça, écoutez, je peux pas diagnostiquer tous les différents niveaux de besoins que vous pouvez avoir. Non, mais ce que je veux voir, c'est l'intensité qui définit le besoin, là. L'identité de l'intensité. Un besoin, c'est vital. OK. Quand un gars a besoin d'une maison, qui a réellement besoin d'une maison, il va l'avoir, la maison. Ça fait partie de ses besoins. Donc, si l'être est conçu, je parle de besoin, là. Oui, oui. Pas des besoins, des besoins. Un gars qui a besoin d'une maison pour son équilibre, il va éventuellement se trouver une maison. Comment qu'elle sera grosse de même, la maison, il va être content. Tandis qu'un homme qui va vivre ce que vous appelez le besoin d'une maison, qui est un désir d'une maison, là, il va mettre des valeurs là-dedans. Elle sera pas trop grande, elle sera pas assez grande. Là, il va mettre une valeur. À ce moment-là, là, il va vivre l'expérience. Tandis qu'un besoin, c'est vital. Il y a une concordance. Un besoin, c'est toujours intelligent. Mm-hmm. Un désir, c'est pas toujours intelligent. Un besoin, c'est toujours intelligent. Dans la cadre où je définis le besoin, là, je vais être obligé de le définir, le besoin, parce que vous allez le définir pour moi, puis à ce moment-là, ben là, les gens vont dire, c'est ça qu'ils disaient, c'est pas ça que je disais. Un besoin, c'est l'alliance entre l'esprit de l'homme et ses corps subtils, jusque dans son corps matériel. Un besoin, ça ne se discute pas. Mm-hmm. C'est vital. Alors qu'une valeur ou un désir, ça se discute. Un besoin, ça se discute pas. Puis t'as jamais trop de besoins, t'en as juste assez. C'est vibratoire un besoin, ça c'est une autre dimension. C'est vibratoire un besoin. Tu le sais. Mm-hmm. Tu le sais. Ça se pense pas. Ça se regarde. Ça se regarde. Vous pouvez toujours penser parce que vous pensez à tout, vous autres barbins. Mais ça se regarde un besoin. Ça s'évalue un besoin. Ça s'évalue, ça se mesure, ça s'ajuste. Mais il y a un noyau quelque part, puis c'est ça. C'est toujours nécessaire. C'est toujours nécessaire, un besoin. Puis si les hommes n'arrivent pas, les hommes conscients, sensibles, n'arrivent pas à reconnaître leurs besoins au cours de l'évolution, ils ne pourront jamais engendrer les énergies dont ils ont besoin pour aller plus loin dans la hiérarchisation, dans le développement, dans l'harmonisation, dans la construction de leurs besoins. Donc, ils auront toujours ce que j'appelle des vies plates. Mm-hmm. C'est ça, avoir une vie plate. Okay. L'affaire du petit pain, là, je suis mon petit pain noir, je suis né pour un petit pain noir. C'est la grand-mère qui dit, bon, on est né pour un petit pain noir. Ça a amené les gens à ne pas vivre leur besoin. Bon, ben, le monde dit, bon, on est né pour des petits pains noirs. On sera. Il y a bien du monde, on a pensé de même, là, dans le temps du Plessis. Puis il y a du monde aujourd'hui qui sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont capables de dire, ben, je suis né pour un petit pain noir? C'est parce qu'ils n'ont pas été capables d'identifier le premier besoin. Puis dans tout, puis dans le panoplie, dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, l'homme devra découvrir son premier besoin. Parce qu'il faut que tu découvres le premier d'abord. Puis tant que tu n'as pas découvert le premier besoin, tu n'as pas tes besoins, tu n'es pas dans tes besoins, tu ne peux pas les activer et les créer, tes besoins. Donc à ce moment-là, tu vas vivre par rapport à des valeurs qui font partie de ton corps de désir. Ça fait partie de l'expérience de l'âme. Donc chaque être humain doit découvrir son premier besoin. Si tu regarderais les individus individuellement, là, tu pourrais voir que lui, son premier besoin, là, c'était l'affaire. Puis lui, son premier besoin, c'était l'affaire. Puis lui, son premier besoin, c'était l'affaire. Puis peut-être que ça va prendre 2-3 ans avant qu'on arrive à avoir la force d'aller chercher ce premier besoin-là. Donc, un besoin, c'est pas nécessairement accessible facilement. Non, ce n'est jamais accessible. C'est jamais accessible. Non. Un besoin, c'est jamais accessible facilement. Éventuellement, ça le devient parce que tu as généré tellement de synergies créatives que là, tu as accès à tes besoins. Puis même encore là, sont rythmés. Sont toujours rythmés. Parce que les besoins sont rythmés par ton esprit. Ils ne sont pas mis en cadence ou en... sont pas présentés par le corps des désirs. Ils sont rythmés par ton esprit. Donc, tes besoins sont toujours dans le bon timing. Juste assez. Tu n'en as jamais besoin de plus de besoins que ce que tu as. Dans ce que tu désires, ça n'a pas de fin. Tu peux en avoir tant que tu veux. Mais est-ce qu'un besoin peut devenir obsessionnel? Un besoin, ça n'est pas, ça peut jamais être obsessionnel. Un désir, oui. Un besoin, ça ne peut pas être obsessionnel parce que c'est intelligent. Il n'y a pas d'obsession dans l'esprit. Puis dans le besoin, est-ce qu'il peut y avoir de l'expérience? Dans le besoin, il n'y a jamais d'expérience. Par contre, il y a un raffinement de ta conscience par rapport à la sensibilité que tu as besoin d'avoir pour pouvoir vivre ce besoin-là d'une façon grandissante, croissante, intelligente, ainsi de suite. Donc, dans un besoin, on ne fait jamais, entre guillemets, d'erreur. Dans un besoin, il n'y a jamais d'erreur, mais dans un besoin, il y a une définition de plus en plus définie, de plus en plus subtile de ta relation avec les conditions de ce besoin-là. Peut-être que dans le besoin, mais tu apprends à supporter le temps. Parce que le temps, au niveau de la conscience supramentale, c'est très important, parce que c'est à travers le temps qui travaille l'ego, puis qui travaille l'ego, puis qui travaille l'ego, puis qui travaille l'ego. Tu sais, une fille qui dit, ah ben moi, j'aimerais savoir un arbre. Tu sais, quand ça se fait les sourcils, là. J'aimerais savoir un arbre dans ma vie. M'ennuie. D'avoir un arbre, là, je parle pour la fille, comme je parle de l'homme. Là, j'aimerais savoir une femme dans ma vie. Il y a du genre, c'est plein de monde qui travaille des hommes dans leur vie, des femmes dans leur vie. Mais ils sont pas prêts. Pas prêts. Parce que là, c'est le corps de désir. Ouais. Parce qu'il s'ennuie, puis ça, je comprends. Mais aussitôt qu'ils se plaignent ensemble, ils se rencontrent en fin de semaine, là, quand ils vont danser du gogo, là. Là, ils s'aiment, hein. Ça brûle. Tu regardes le corps astral, là, il prend une expansion après 3-4 pouces chaque bord. Voilà. Mais ça dure pas. Parce que c'est un désir, c'est pas un besoin. Donc, ils ne sont pas capables de savoir si ça va durer, ça va-tu durer, ça va pas durer. Ils ne sont pas équipés psychiquement, psychologiquement pour savoir si ça va durer. Puis c'est grave, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas si ça va durer. Y en a-tu du monde qui savent, ça va-tu durer, ça va pas durer? Ils ne savent pas. Là, ça commence 1 an, 2 ans, 3 ans, ça pète. 1 an, 2, 1 semaine, 2 semaines, ça pète. Là, ils te regardent, là, ça fait 25 ans d'être ensemble, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu capoté? Ils sont même pas capables de comprendre. Comment ça se fait aujourd'hui que tu peux être ensemble après 25 ans? Ça fait que l'homme a beaucoup à apprendre de lui-même, puis quand l'homme va apprendre de lui-même, puis il va rentrer dans sa conscience, les besoins vont se placer. Fait que la fille, elle vient dans un certain temps, puis le gars vient dans un certain temps. Ça veut pas dire qu'en attendant, tu restes sur ses bancs, ou tu restes ses tablettes. Ça veut dire que tu restes ses tablettes. Mais au moins, quand tu sors, tu vas pas faire une indigestion aiguë de possession temporaire. Ouais, tu sais? Ça dure pas, mais c'est dur. Ça dure pas, mais c'est dur. exactement. Mais moi, je reviens toujours à la personne que j'avais rencontrée, puis ça, c'est mon histoire favorite. Elle est en amour avec son boss, lui, il avait une maîtresse, puis il avait une femme. Galilement. Mais j'ai dit, il peut rien se passer. Il n'y a pas qu'une femme. S'il y avait qu'une femme, peut-être tu pourrais espérer qu'un jour il va divorcer. Puis j'ai dit, il y a une femme, puis il y a une maîtresse. Fait que toi, t'es ta deuxième maîtresse. Fait que c'est qui te reste? Troisième hypothèse. Sais-tu comment ça y a pris de temps pour comprendre? Mm-hmm. Ça y a pris 3 ans. Puis 3 ans, elle a tellement souffert qu'elle a compris. Puis quand elle a compris, elle a dit que c'est drôle, elle a dit c'était tellement facile de le laisser. Puis j'ai dit, pourquoi tu ne l'as pas laissé avant? Au lieu de perdre 3 ans, pendant 3 ans, tu aurais pu trouver 4-5 paires de souliers en attendant. C'est effrayant. Mais cette personne-là vous a dit certainement qu'elle en avait besoin. Il n'a. Mais c'est vrai. C'est pas... évidemment, tu sais... Mais le besoin que je parle, puis là, un besoin, c'est pas le même besoin, tu sais. C'est pas un besoin basé sur l'identité. C'est un besoin basé sur le manque d'identité. Si elle avait eu le moindrement d'identité, cette fille-là, elle aurait mis une croix sur ça. Surtout, si j'y dis... Je fais un castor, mais je parle plus. Mais pour faire des faces, là, sérieuses... C'est effrayant. Je prends toujours le domaine de l'amour parce que c'est là que c'est le plus touché. C'est difficile, les émotions. C'est extraordinaire. Donc, les gens vivent des expériences puis des expériences. Ça finit plus. Mais on peut-tu aller, Benoît, jusqu'à dire qu'on a besoin d'expériences pour savoir nos besoins? Oui. Vous avez besoin d'expériences pour connaître vos besoins. Ouais. Très juste. Parce que on peut dire que souvent, les gens, on leur dit certaines choses qui sont... éclatante de conscience, mais ils sont pas capables de le vivre parce qu'ils ont besoin d'expérience. Très juste. Bon, très qu'est-ce juste. Qui bâtit ce besoin d'expérience? Ce qui crée ce besoin d'expérience-là? Oui, c'est ça. C'est parce que les gens n'ont pas suffisamment d'intelligence. Autrement dit, là, si vous prenez... Je vais vous donner un exemple. Vous faites la consultation, là. Ouais. Vous êtes en public, vous allez rencontrer toutes les couleurs. Bon. Si vous voyez quelque chose, vous dites, après ça, bon, ça, là, tu devrais regarder ça de même. Regarde ça de même. La personne à part, elle regarde ça de même, puis elle travaille ça. Elle revient une semaine après, elle dit, j'ai fait ça, puis ça a marché. Mm-hmm. Là, la personne n'aurait pas à vivre autant de besoins d'expérience, parce que là, elle verra que ça marche. Après ça, une autre affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Mais c'est pas ça que les gens font. Les gens vont voir des conseillers ou vont voir des gens qui peuvent les aider. Pas pour actualiser ce qu'ils entendent d'intelligent, parce que l'autre n'est pas impliqué émotivement dans la situation, mais pour dorloter leurs émotions. Ils se dorlotent, leurs émotions. Ah, c'est ça qu'ils disent, c'est intéressant. Mais les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne prennent pas au sérieux. Donc, c'est une façon pour eux autres de dire, bon, mais j'ai fait un effort, mais je suis pas capable de faire l'acte de volonté créatrice. Mm-hmm. Où souvent ils peuvent confronter l'intelligence à mesure. Whatever. Mais, bon, on arrive au fait que la personne vit une expérience. Est-ce que c'est en vivant l'expérience que tu deviens intelligent? Pas nécessairement. Il y a des gens qui vivent des expériences toute leur vie, puis ils restent stupides toute leur vie. Donc, l'expérience a fait simplement à enregistrer sur le plan astral des mémoires, qui seront étudiées plus tard dans d'autres évolutions. Par contre, il y a des êtres qui vivent d'expériences, puis avancent. Mais le problème, c'est que on a besoin aujourd'hui dans le monde de référents universels. On a besoin de science ou d'une science, de la psychologie, de l'aide de l'homme, whatever. On a besoin d'une science qui en soi n'est pas colorée par l'homme, n'est pas colorée par l'ego, n'est pas colorée par le mental réflectif. À partir du moment où on a cette science-là, on commence à travailler avec cette science-là, éventuellement, on peut en arriver à réduire la longévité de nos expériences pour en arriver un jour à pouvoir être bien dans notre peau assez vite, au lieu d'attendre des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis ça finit pas. Tu regardes du monde, telle année, puis tu regardes 15 ans plus tard, ils sont pareils. Mm-hmm. C'est pas croyable. Même les plantes changent. C'est pas vrai. Par contre, il y en a d'autres, tu regardes, puis ça avance, puis ça avance, puis ça avance, puis ça avance. La vie, c'est comme un compte de banque. Faut que ça grossisse, puis ça grossisse, puis ça grossisse. Un gars qui a toujours 50 cents à la banque, c'est pas un gars intelligent. Une vie, il faut que ça grandisse à tous les niveaux, sur le plan émotionnel, sur le plan de la créativité, sur le plan de l'ordre. Il y a des gens qui ont du désordre dans leur vie de façon systématique. Il y a des gens qui systématisent le désordre. Ils systématisent le désordre. C'est effrayant. Oui, c'est un fait. Alors, quand une personne vit l'expérience, puis éventuellement en arrive à dépasser cette expérience-là, est-ce que ça veut dire qu'elle était déjà intelligente, mais que c'était masqué, et puis qu'en brûlant l'expérience, elle a découvert une intelligence qui existait déjà, ou si l'expérience l'a rendu intelligent? L'expérience a mis son intelligence en vibration. Mais l'intelligence existait déjà. Oui. Donc, substantiellement, indépendamment de la vie d'un individu, ce que vous dites là, c'est que n'importe qui a beaucoup d'expérience d'âme à vivre est quand même très intelligent en potentiel. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'une personne qui vit de l'expérience et à un certain moment enclenche créativement par rapport à cette expérience-là pour en arriver à ne plus la vivre, c'est une personne qui est intelligente. Une personne qui vit beaucoup d'expérience d'âme, puis il y en a des gens qui vivent beaucoup d'expérience d'âme et qui ne réussissent pas un jour à mettre un stop, à freiner, à ralentir cette expérience d'âme-là, sont des êtres qui font partie de l'évolution et ce sont des êtres qui ne sont pas intelligents. Donc, ce sont des êtres qui ne pourront jamais dans cette vie en arriver à une identité intégrale. OK. C'est évident que pour en arriver à avoir de l'identité, ça ne peut pas être facile parce qu'on est totalement dans notre personnalité. On n'est pas dans notre personne, on est dans notre personnalité. Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis que ça demande de brûler de l'âme. Et brûler de l'âme, ça veut dire en arriver éventuellement à pouvoir vivre notre vie avec un minimum d'émotions subjectives dans notre mental. Pour voir les choses, pour avoir leur juste. Sans ça, tu peux pas avoir leur juste. Comment tu peux avoir leur juste? Tout ce qui est émotion chez l'individu est sujet à masquer son identité. À masquer son intelligence, donc ce qui retarde le développement de son identité. C'est très difficile aujourd'hui, c'est très difficile dans une civilisation évolutive pour un individu de reconnaître, d'ailleurs c'est ça la différence entre l'évolution et l'évolution, c'est très difficile pour un être aujourd'hui, dans n'importe quelle race, dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel peuple, de pouvoir reconnaître la primauté de son identité par rapport à la conscience de la race. Parce qu'on est toutes des personnalités. On est de la personnalité. On est fait de paramètres, d'ordres sociaux, logiques, psychométriques. On est des êtres qui avons absorbé constamment des influences, qui n'ont aucune base dans la réalité de l'individu. L'individu, si on parle de l'évolution de la race racine, ou qu'on parle de l'évolution de la septième race racine, quand on parle d'évolution de race racine, on parle de scission au niveau de conscience psychique entre un individu et la conscience de la race. Au niveau psychique, pas au niveau psychologique, au niveau matériel, au niveau psychique. Un individu conscient ne peut pas penser comme la conscience de la masse. C'est impossible. Il peut respecter ce qui se passe dans la masse. Il peut être en harmonie avec ce que la masse fait d'élégant, de constructif. Je ne l'invente pas à roue. Mais psychiquement, il ne peut pas passer comme la masse. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'humanité s'en va par là, l'humanité évolutive s'en va par là, puis l'humanité évolutive s'en ira par là. Est-ce que cette tranche-là, là, cette coupure-là, elle se fait radicalement dans le mental de l'individu, ou si c'est progressif? C'est progressif, mais c'est radical dans sa progressivité à un petit niveau. C'est incrémental, mais la petite incrémentation est radicale, puis la petite incrémentation est radicale, puis la petite incrémentation est radicale. Tu sais, quand tu demandes à un être inconscient, t'es intelligent? Moi, je sais pas, peut-être. J'étais à l'université, j'étais à l'école. Tu demandes à un être inconscient, t'es intelligent? Il va dire oui. Qu'il soit allé à l'école ou pas. Tu peux pas y enlever ça. Parce que ça fait partie de sa réalisation. Autrement dit, pourquoi est-ce que tu peux dire, ouais, il est intelligent? Pas parce qu'il a un doctorat ou pas parce qu'il n'y en a pas de doctorat. Mais parce que il voit la vie à partir de lui-même. C'est ça qui fait qu'il est capable de dire, ouais, je suis intelligent. Bon, mais ça, ça fait partie de l'évolution incrémentale de la conscience supérieure de l'homme. Bon, c'est ça qui est radical. C'est ça qui est radical, oui. Une puissance d'affirmation, puis de... Ça fait partie de sa conscience. Ça fait partie de sa centricité. Bon, cette sensibilité-là à lui-même, là, est-ce qu'elle doit passer inévitablement par une conscience de l'invisible, du subtil, ou si c'est simplement... C'est une question intéressante, ça. Ce qui arrive, c'est que c'est évident que si l'homme entre dans son identité, puis entre dans les mystères du mental, puis entre dans la conscience mentale supérieure, c'est évident que l'homme ne peut pas vivre sur le plan matériel par rapport à des données purement intellectuelles ou rationnelles. L'univers, la vie, est beaucoup plus vaste que ça. Et à ce moment-là, ayant été outillé psychiquement dans son évolution pour en arriver éventuellement à pouvoir même avoir un contact avec l'intemporel d'une façon totalement intelligente, c'est évident que cette capacité-là éventuelle de l'être nouveau va faire de lui un être qui va transcender les paramètres psychologiques de son évolution, donc automatiquement va lui donner une ascendance créatrice énorme sous la prédisposition psychologique des concepts de l'évolution. Si un être conscient discute ou est en communication avec des êtres évolutifs qui discutent de religion, de spiritualité, d'âme, d'esprit, de Dieu, de méga-force ou n'importe quoi, c'est évident qu'ils vont avoir des réponses que l'homme inconscient n'est pas capable de penser parce que ces réponses-là ne se pensent pas. Donc, c'est évident que la conscience supramentale, c'est une conscience qui appartient à un autre temps. C'est-à-dire, qui n'appartient pas à un temps psychologique de la race évolutive, mais qui appartient au plan psychique de la race évolutive. Et c'est ça qui fait la différence intégrale entre un ego conscientisé, individualisé, et un ego inconscient, qui est la propriété de la civilisation. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait considérer que l'individu qui est dans, entre guillemets, la cinquième race, c'est un individu qui a strictement une conscience psychologique? L'individu de la cinquième race sur la racine a simplement une conscience psychologique. De temps en temps, il bénéficie d'une certaine conscience psychique, mais la conscience psychologique est trop rationnelle, donc elle a de l'ascendance sur sa conscience psychique. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, inconscients vont dire, « Ah, c'est drôle, là, je pense à toi quand tu m'as appelé. Juste quand tu m'as appelé, je pense à toi. » La personne consciente pourrait dire, bon, ben, t'es télépathique. Non, je pense à toi, c'est arrivé de même, c'est là-dedans. Mm-hmm. Donc, il n'irait pas plus loin. Ou, la personne consciente d'avoir rêvé de quelque chose la nuit, puis le lendemain, ça se produit. Ça va dire, ah, c'est drôle, j'ai rêvé à ça hier. Là, ça va dire, ah, ben, c'était eu un rêve prémonitoire. Non, j'ai rêvé à ça, ça s'était donné de même. Ça donne toujours de même pour l'homme inconscient. Tu sais, vous, qu'est-ce que c'est le problème de l'homme inconscient? C'est un orgueilleux. Puis c'est un orgueilleux tellement énorme, que sa conscience fondamentalement est luciférienne. C'est pour ça que l'homme inconscient, à cause de son orgueil, à cause de son intellect, est incapable d'ouvrir les portes de sa conscience mentale parce que son orgueil fait tellement partie de l'ordre des choses, fait tellement partie des lois astrales de sa conscience évolutive, qu'il est incapable par lui-même de savoir. Mais il est capable par lui-même d'avoir l'impression ou de créer l'impression de savoir. Puis c'est ça qui crée l'orgueil, qui multiplie l'orgueil, et qui fait qu'éventuellement les hommes s'éloignent de plus en plus de leur centre, se créent une fausse identité, et ceux qui sont en pouvoir de reconnaissance dans le monde, c'est-à-dire les intellectuels, ceux qui prêchent, là, ceux qui parlent, ceux qui étendent dans le front de l'humanité, des concepts ou des valeurs humaines, que ce soit des curés ou des politiciens ou des penseurs, ce sont ces gens-là qui sont les grands prêtres de l'évolution. Puis nous autres, les petits hommes qui n'ont pas qui n'avons pas ce statut social là, d'influence à court ou à long terme, on se prend pour des petits culs. On est tous des petits hommes. Puis un jour, le petit homme, il va devoir réaliser par lui-même que l'homme est grand. Puis quand le petit homme va réaliser que l'homme est grand, mais là, il va commencer à réaliser que lui est grand. Puis quand il va comprendre, puis c'est dur pour un petit homme, tu sais, c'est dur pour un midget de dire, ouais, je suis grand. Faut le faire. Psychiquement, faut le faire. Puis si on ne le fait pas, ben, on reste dans l'impression d'être des grands hommes, puis dans le fond, on est réellement des petits culs. C'est pour ça que la transmutation de la conscience supramentale fait partie de l'évolution de l'humanité, ça va être très long d'ailleurs, hein? Puis c'est un nouvel âge, ça fait partie de l'âge du Verseau. Puis